La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quand j'ai ouï le tambour à sonner pour s'en aller romper, la moline en effet est frais, me levait mon cher je me rendormirai. Quand j'ai ouï le tambour à sonner pour s'en aller au j'ai ouï le tambour à sonner pour s'en aller.